Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition, la dernière en langue française de ce dimanche 9 juin 2019. Tout d'abord, les titres. Les colis des épreuves du concours national de la 9e édition 2019 ont été acheminés ce dimanche dans différents coins du pays. C'est au moment où le début de la passation de cet examen est prévu le 11 juin. Certains enseignants de la province Muyinga ne sont pas ravis de la diminution du budget que les communes allouent dans la construction des infrastructures sociales. Ils estiment que la surpopulation scolaire serait parmi les facteurs de la diminution de la qualité de l'enseignement. Et les données nationales des hommes qui ont adopté la méthode contraceptive par l'usage de la vasectomie sont oscillées autour de 2000. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé publique lors des questions orales à l'Assemblée nationale jeudi de cette semaine. Voilà pour les titres. Alphonse Koubguimana est à la manette du son. Moi, Zemissa Agot à la présentation. Bienvenue. La radio de l'avenir. Ouvrons cette édition par la page éducation. Les colis du concours national de la 9e année ont été acheminés à l'intérieur du pays ce dimanche. Le ministre de l'Éducation appelle les élèves qui vont passer ce concours à poursuivre la révision sereinement. Jean-Pierre Ndirahisha, qui a supervisé l'envoi de ces colis, en a profité pour rappeler aux superviseurs leur rôle d'éducateur afin de ne pas contribuer à la tricherie comme Sophie Loka l'année passée suivait. C'est une occasion aussi de rappeler aux enseignants qui ont été choisis pour surveiller le concours national qu'ils doivent accomplir leur mission en tant qu'éducateurs. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans la même situation avec ce qui s'est passé l'année passée dans la province de Mubanza. Les enseignants, les surveillants qui ont contribué à la tricherie qui a été opérée par les candidats au concours national. Donc, ce sont des éducateurs qui ont enseigné, bien sûr. Maintenant, il faut laisser les enfants faire le concours comme un examen normal. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui ont été prises qui permettront justement d'indiquer ce phénomène? La première mesure prise, c'est d'abord de leur rappeler leur mission en tant qu'éducateur. La deuxième mesure, c'est nous avons demandé à ce que, sauf le président du centre de passation, que personne ne puisse amener un téléphone pour qu'ils ne puissent pas peut-être envoyer les réponses via le téléphone. Mais aussi, nous demandons à tout Burundais de ne pas se présenter au centre de passation lorsqu'ils ne figurent pas sur la liste des personnes habilitées à le faire. Quel doit être l'état complet des enfants lors de passation de ce concours? C'est rappeler aux élèves qu'ils doivent respecter le règlement scolaire qui est mis en place il y a 3 ans. Donc le concours est destiné aux élèves répondant ou respectant le règlement scolaire. C'était Jean-Vier Ndiraïcha, ministre de l'Éducation nationale. Et le début de la passation du concours national est prévu mardi le 11 pour prendre fin le 13 juin. 950 centres ont été choisis pour abriter la passation de ce concours. Et plus de 93 000 candidats sont attendus pour cet examen. Et 11 000 autodidactes qui n'ont pas eu la chance de repasser durant les 2 dernières années. Toujours page éducation, la réduction des fonds alloués à l'éducation dans les budgets communaux n'est pas bien appréciée par les syndicalistes qui demandent encore plus d'investissement en infrastructure scolaire. Les effectifs pléthoriques dans les classes sont cités parmi les facteurs limitant l'éducation de qualité d'après les partenaires de l'éducation en échange organisé ce samedi par le syndicat STEB sur les besoins toujours exprimés pour arriver à un enseignement de qualité. Diédonne Zeymana à correspondance. Par endroit, certaines classes affichent un record de plus de 100 élèves. Cette situation se manifeste dans certaines classes, y compris au chef-lieu de la province. 4 élèves par banc pupitre, des individus obligés de se lever pour voir au tableau, des difficultés d'évaluation objectif, des cas relevés par des représentants des syndicats d'enseignants à Muyinga, parlant de conditions de travail encore précaires, un des facteurs qui dilue la qualité de l'enseignement. Les enseignants regrettent que dans Paris, Constance, les communes ont diminué les fonds alloués à l'éducation et avec l'argent donné aux communes par l'État, 80% seront donnés aux associations locales en pleine éclosion alors que les infrastructures publiques telles les écoles restent insuffisantes. Dans une rencontre organisée par le syndicat STEB samedi pour évaluer les besoins en termes d'éducation de qualité, Lambert Minani, conseiller de la administrateur de la commune de Muyinga en matière sociale, a reconnu que l'argent réservé au volet construction a diminué, mais a signalé que la commune ne peut en aucun cas délaisser le secteur avenir du pays. Elle va toujours appuyer les initiatives de la population là où le besoin de construire de nouvelles classes se sera le plus exprimé. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. Un centre de congrès international de Bujumbura va être érigé sur une superficie de 5,5 hectares pour un montant entre 31 et 33 millions de dollars américains. Des précisions sont dites porte-parole le secrétaire général du gouvernement burundais après un conseil des ministres tenu ce mercredi. Prosper Ntahogwamiye indique que les apports sont de l'ordre de 20% pour le gouvernement burundais, 60% pour l'hôtel club du lac Tanganyika et 20% sous le nom du propriétaire de cet hôtel. Je vous prie de le suivre. Le projet de construction d'un centre de congrès international de Bujumbura a été initié par le directeur général du club du lac Tanganyika. Devant cet intérêt manifesté et exprimé, une commission ad hoc a été désignée pour analyser la faisabilité du projet. Cette commission a conclu que le projet méritait d'être encouragé et soutenu. L'infrastructure sera érigée sur un site d'environ 3,5 hectares et toutes les études techniques ont été élaborées. Au niveau financier, le coût de l'investissement pourrait varier entre 31 et 33 millions de dollars américains. Toutefois, le promoteur du projet demande que des avantages fiscaux lui soient accordés sur une période de 15 ans afin que le projet soit viable. Au niveau de la gestion de ce centre, le promoteur propose la création d'une société mixte dénommée Burundi Congress and Business Center et dont les apports seraient répartis respectivement en 20% pour l'État du Burundi, 60% pour l'hôtel club du lac Tanganyika et 20% pour la société Frogio Engineering. Après échange et débat, le conseil a donné son accord de principe pour la réalisation de ce projet, mais a recommandé plus de vigilance au niveau technique et financier dans les négociations des termes du partenariat pour que les intérêts de l'État soient sauvegardés. Une équipe pour mener ces négociations a été mise sur pied et le dossier sera ramené en Conseil des ministres dans un délai de 3 mois. Et nous devons cet élément sonore à nos confrères de la Radio Nationale. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page santé à présent, plus de 2000 hommes ont déjà adopté la limitation de naissance dite vasectomie au niveau national. Les femmes répondent massivement à l'usage des méthodes contraceptives en vue de limiter les naissances. Le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida l'a dit ce jeudi à l'hémicycle d'Okigobe. Dr Tadène Dikouma en a répondu aux questions orales des députés sur la démographie qu'il juge galopante malgré ces méthodes. Les précisions avec Évariste Ndikobanyang. La commission des parlementaires chargée des affaires sociales à l'Assemblée nationale se dit être inquiétée par le non-usage des méthodes contraceptives. Certaines femmes, arguant que ces méthodes ont des conséquences néfastes sur leur santé, ajoute le député Adolphe Banyikwa, président de la dite commission. Des conséquences, il faut parler d'elles sur la santé des femmes qui font recours à ces méthodes contraceptives. Et c'est vrai que certaines femmes désertent ces méthodes. Le constat est que cette politique a reculé cette année. Est-ce que cela est vrai? Le docteur Tadène Dikoumana, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, juge non fondée cette inquiétude. S'appuyant sur les effectifs, le ministre de la Santé confirme que plusieurs femmes font recours à ces méthodes. Nous utilisons des médicaments qui risquent de compliquer la santé de la femme. À ce moment, il faut recourir à un médecin. Dire que ça risque de les décourager, ce n'est pas vrai parce que depuis les années 2000, ceux qui faisaient recours à ces méthodes était à 2,7%, tandis qu'aujourd'hui, ils sont à 42%. La commission parlementaire chargée des affaires sociales ajoute que les hommes semblent être oubliés dans la politique de la santé de reproduction. Nous savons qu'il y a des méthodes réservées aux hommes. Pourquoi ne pas les sensibiliser? Quel est l'effectif total des hommes qui ont déjà appliqué cette méthode? Le ministre en charge de la santé publique indique que là aussi les hommes n'ont pas été oubliés. Il explique cependant l'impact de la vasectomie au niveau national. Ces méthodes pour les hommes existent. Depuis 2015 jusqu'en 2019, 500 hommes par an font recours à la vasectomie. Les hommes qui ont déjà fait recours à cette méthode au niveau national sont au nombre de 2117. La plupart sont originaires de la province Kayanza. Ce sont ces hommes-là qui vont nous aider à sensibiliser les hommes. Lors de ces questions orales sur la démographie au Burundi, le ministre de l'Intérieur, lui aussi, était invité à l'hémicycle de Kigobe. Il a indiqué que les provinces de la mairie de Bujumbura et de Bururi sont classées premières dans la mise en application de cette politique de la santé de reproduction. Merci Évariste Nzikobanyanga. Les habitants de la colline Kagwema dans la commune Gihanga de la province Bubanza demandent aux autorités administratives et les forces de l'ordre de surveiller de plus les passages illégaux sur la rivière Rusizi, car sur ces passages, les gens ne sont pas dépistés du virus d'Ebola. Ils reconnaissent cependant la mise en place d'un poste de dépistage de ce virus à la frontière avec la République démocratique du Congo. C'est au moment où l'ONG CRS est en pleine campagne de sensibilisation sur la lutte contre les maladies dans les écoles Space Cartas, Kabanyana correspondance. Les habitants de la colline Kagwema, dans la commune de Gihanga, sont contents de la mise en place d'un poste de dépistage du virus d'Ebola à la frontière avec le Congo voisin. Cependant, ils déplorent le fait qu'il y a encore des passages illégaux à travers la rivière Rusizi, et ces passages irréguliers, souvent des commerçants de fraude, risque d'amener ce virus d'Ebola car ils échappent le dépistage. Ces habitants de la colline Kagwema le disent au moment de la pleine campagne de sensibilisation et d'explication sur la lutte contre cette maladie dans les écoles par l'ONG CELES en collaboration avec le ministère de la Santé publique, et Kagwema étant la deuxième porte d'entrée de ce virus d'Ebola après Chibitoke selon le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Niyonkuru Gaston de l'ONG CELES explique que des mesures d'hygiène doivent être préconisées dans les écoles et que celles qui n'ont pas d'eau potable doivent nécessairement en avoir pour l'hygiène des enfants. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Et pour boucler cette édition, quittons Bubanza vers Makamba, où les cultivateurs du manioc devraient adopter une technique innovante qui consiste à produire de bons rendements pour faire face à la croissance démographique et l'infertilité du sol. Propos d'Alexis Manerakiza, agriculteur et multiplicateur des semences à Makamba. Il appelle les cultivateurs du manioc à savoir la bonne période et les préférences du sol pour une bonne récolte. Jérôme Hakizimana. Selon son multiplicateur des semences, les techniques traditionnelles mises en œuvre par les cultivateurs du manioc ne permettent plus une bonne production. Même la technique de culture est rudimentaire. C'est-à-dire que la culture du manioc n'est pas cultivée comme il faut. Selon Alexis Manirakiza, pour accroître la production du manioc, les agriculteurs devraient rompre avec le traditionnel pour faire recours aux techniques modernes dont il nous relate sa pratique. C'est une technique qui prône la fertilisation de cette culture. On creuse un trou largeur de 60 cm, longueur 2,20 m et dans la profondeur on peut même arriver à 60 cm. Alors en creusant, le sol superficiel est mis de côté et le sol de la partie stérile est mis de l'autre de côté. On essaie de mettre dans le trou de la fumure organique qui est mélangée avec cette couche prélevée dans la partie, je dirais, humifère. On essaie de mélanger. On prend une bouture, cette fois-ci une bouture qui a à peu près la même longueur que le trou. Cette bouture est mise horizontalement, deux sommets du trou opposés, c'est-à-dire en diagonale. Après, on va essayer de couvrir la bouture. Mais attention, si vous couvrez toute la bouture, c'est-à-dire que la bouture va pourrir, vous mettez le sol sur une partie, vous sautez, vous mettez le sol sur l'autre partie, vous sautez, pour qu'il y ait une partie qui soit exposée au soleil, qui va continuer à faire la photosynthèse. Ainsi, il y aura plusieurs rejets et beaucoup de racines sur une bouture. Vous allez sélectionner trois rejets qui sont en bonne santé et les autres, vous allez les enlever. Mais où peut-on cultiver le manioc? Le manioc aime des sols profonds. Le manioc n'aime pas des sols gorgés d'eau également. Le manioc n'aime pas des sols acides. Selon son multiplicateur de semences de Makamba, la bonne période qui correspond à la culture du manioc commence avec le début de la tombée des pluies jusqu'au mois de mars. Jérôme Hakizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci Jérôme Hakizimana. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Alphonse Koubguimana pour sa collaboration technique et passez une excellente soirée chez vous. Au revoir.